Et Rihanna, une version signée Adrien Thomas. Alors non, c'est pas mon remix. J'aimerais bien. Non, c'est le remix de Riab et Henry Fong. Voilà, mais ça me fait plaisir, JB. Voilà. Il connaît pas encore les remix par cœur. Bon, voilà. Je t'en veux pas. Non, mais je t'en veux pas. C'est ce qui était prévu, voilà. Il est tout rouge, voilà. Bon, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, Calvin Harris et Rihanna nommés dans, dans la catégorie meilleur single dance de l'année pour voter au Fun Radio DJ Awards. C'est partyfun.fr et Adrien, on fera nos émissions du 19 au 23 octobre en direct d'Amsterdam pour l'Amsterdam Dance Event. Et ce sera pendant ces émissions qu'on mettra les trophées des Fun Radio DJ Awards. 20h, c'est l'heure de retrouver le Vin Fun avec le Dom Carré. Oui, salut! Hello. Bon, ce soir, n'oubliez pas les copains, il y a un Party Fun spécial avec Adrien Thomas. Non, ce soir, Party Fun DJ Mag avec Zou. Exactement, ça va être lourd, ça va être... voilà. Et tu seras au micro. On y va, les Zou. On sera là. On sera là à partir de minuit. Merci beaucoup, les mecs. Bonne émission. Vous êtes bons, les gars. Vous êtes bons. Bravo. Ouais, ouais, ouais, allez, c'est parti. Love in Fun. Dans un monde rempli de problèmes et de crises, les forces de l'ordre prennent la menace au sérieux, ajoutant encore à la peur. Dans un monde où les vacances ne sont plus qu'un lointain souvenir. Interro surprise! Tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Eh oh, eh, ça va, monsieur Déprime, là? Tu sais qu'il y a Love in Fun pour trouver des solutions à tout ça. Tu veux parler? T'as besoin d'aide? Tu veux pousser un coup de gueule? Tu veux délirer avec nous tous les soirs? Ah ouais, grave. Et c'est quand? Ce soir. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Radio. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio. Très content d'être avec vous. On est jeudi soir et on est à la cool dans les studios. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne journée. Si votre patron a été chiant avec vous, vos profs vous ont saoulé, vous allez vous détendre toute la soirée, respirer. Ça fait du bien. Ça fait du bien cette émission. On peut se parler. Vraiment, c'est une vraie émission de libre antenne chaque soir sur Fun Radio. Et le standard est déjà ouvert. 01 42 48 5000 toute la soirée. On vous attend. Comme d'hab, il va se passer plein de choses dans cette émission. Vous le savez. D'ailleurs, c'est vous qui la faites. Et puis. Vous entendez déjà sa voix, c'est toute une équipe. Bah bien sûr. Chaque soir dans le Vin Fun avec sa belle voix grave. Au taquet. Au taquet. Bonsoir Doc. Ouais, salut, salut à toutes et tous. Doc a fait une petite marche juste avant de venir. Ouais, j'ai bien marché, oui. T'as bien marché. Tu t'es fait les Champs-Élysées, Doc. Oui, j'aurais fait un peu le tour, mais. Ah oui, c'est vrai que c'est assez court. Hein. C'est assez court, ouais, très touristique, mais enfin bon. T'étais avec Katoche ou pas Non, non, non, non, bah attends, ça va, non, non. Ah, t'es, ouais, voilà, t'es pas accroché non plus à elle tout le temps, quoi. Si, mais dans le cœur. Dans le cœur, ah, c'est beau. C'est vachement beau. Je rappelle, hein, Doc va bientôt se marier, il l'a annoncé sur Fun Radio. Alors, Doc est là, bien sûr, on a Alice. Alice, alors aujourd'hui, Alice est. Quoi? Ah bah. T'aimes ma robe. Ah bah ouais, non, mais sans déconner. Tu as vu comment est habillée Alice aujourd'hui, Doc? Mais Doc, il en a rien à foutre. Bah, il ne regarde plus les autres femmes. Bah, bien sûr, attends. C'est une occasion. Une occasion de plus de vous brancher sur le live de Fun Radio. Funradio.fr pour voir Alice et ses tenues magnifiques. Oh, incroyable. On est très content d'avoir Godefroy aussi à l'arrière qui se dévoile chaque soir. Hier, on a appris qu'il était homme le jour et femme la nuit. Michaela la nuit. Sans déconner, ici, on apprend plein de choses. Bien sûr, Kassim est là. Kassim qui a un petit problème de roue là en ce moment. Non, j'ai le hockey, ça s'arrête pas, ça m'énerve. C'est une horreur. Comment on fait pour arrêter le hockey, Doc? Ça fait peur. Ah oui, bon bah on va s'en charger ce soir. Okay. Et bien sûr Cindy et Guillaume qui vous attendent au standard, les deux beaux gosses du standard 01 42 48 5000. Tous les soirs on attaque l'émission avec l'auditrice ou l'auditeur du soir. Ce soir on a la chance d'avoir Cindy qui est avec nous. Bonsoir Cindy. Salut Cindy. Coucou. Salut, comment ça va? Cindy, 24 ans et tu es d'où Cindy d'ailleurs? Je suis de Suzanne à côté de Lens dans l'Aisne. D'accord. Eh ben, bienvenue à toi Cindy, t'es prête à faire de la radio avec nous pendant 2 heures? Oh bah ouais, carrément. Mais est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui, parce que c'est un carton ça, hein, de faire de la radio comme ça sur Fun Radio pendant 2 heures avec nous, de rester à l'antenne avec nous, comment on peut faire pour s'inscrire Cindy? Bah moi je mettais juste des commentaires en publication Facebook et puis bah à force j'ai eu quelques passages. Puis bon, on m'a appelé. Eh ben, on t'a appelé. Il y a aussi moyen de s'inscrire hein, sur le mail hein, de Fun Radio, loveinfun@funradio.fr ou au standard 01 42 48 5000. Avec toi, Cindy, on va accueillir Mickaël. Mickaël, 17 ans de Tours. Salut, Mickaël. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut, Mickaël. T'as passé une bonne journée, toi? Ah ouais, nickel. Franchement, ouais, j'ai profité du beau temps et tout. Franchement, c'était parfait. Alors, j'ai une question, Mickaël. Est-ce que tu aimes Justin Bieber? Je kiffe. Tu kiffes? Eh bien, ce soir, le double fun. Surtout avec Drake. Eh bien, le double fun va tomber ce soir. Écoute ça. 2 tubes de Justin Bieber qu'on écoutera pendant l'émission avec le Let Me Love You avec le What Do You Mean. Et dès que vous les entendrez à la suite, ce sera le 32-28 qu'il faudra composer pour repartir avec un voyage à Paris tout frais payé pour assister au concert événement de Justin Bieber. Ça se passe à l'Accord Hotel Arena le 20 septembre à Paris-Bercy. Et comme on se fout pas de votre gueule, ce sera dans le carré or. C'est-à-dire que quand Justin Bieber va transpirer, vous aurez des gouttelettes de sueur sur le visage. Rien que ça. C'est juste énorme. Ah, bon. Michael, qu'est-ce qui t'amène, toi? Alors, c'est parce que j'ai fait un rêve chelou, mais vraiment Vas-y. Très chelou. Raconte-le. J'ai rêvé, en fait, que je rentrais dans ma chambre et que là, sur mon lit, j'ai vu la charmante Alice, qui est très belle aujourd'hui, avec Karel, qui était en train de faire des trucs pas très très T'as pas rêvé, catholiques. Hein. T'es chelou. T'as pas rêvé du tout. Hein. Attends, tu rêves d'autres personnes? Comment ça? C'est bizarre. T'as rêvé qu'on faisait des trucs avec Alice? Oui, ouais, vous étiez sur mon lit, vous étiez en train de faire les prédits et tout. Ben, voilà. Est-ce que Doc nous matait avec une caméra? Non, il y avait que vous deux. Ouais, bien sûr, tous les soirs, ils s'en vont ensemble, je peux témoigner. Bah oui, bien sûr. Ils montent dans la même bagnole, ils partent ensemble. Bah, tu as déjà vu dans la même voiture, Doc. Oui, bien sûr. Non, parce que tu nous vois. Ouais. Attends, sans déconner, Doc. Doc, il aime bien créer des emmerdes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, on couche ensemble avec Alice. Voilà, voilà. Si ça peut te faire plaisir, Doc. Bah, moi, je m'en fous, moi. C'est votre vie. Hein. Non, mais Michael, entre le rêve et la réalité, tu sais que moi, j'aimerais bien. Mais bon, voilà. Non, mais je déconne. Attends, j'ai de dire, si ma meuf écoute, je suis dans la merde. Michael, merci de foutre la merde en ce début d'émission, Michael. C'est tout. Je vais foutre encore plus la merde parce qu'en fait, je voulais vous poser la question. S'il y avait déjà eu des trucs de cul dans votre équipe, enfin entre deux personnes de votre équipe. Tu devrais poser la question à Kassim, il y a une réponse. Ouais, moi j'ai sucé Doc. Ça, c'est pas de mal la veille. Tous les trucs improbables, tu sais, à la fusion de cauchemars. Non, il s'est rien passé. Non, mais sincèrement, pour être franc et sincère, il s'est absolument rien passé de sexuel dans cette équipe. Bon, à part voilà ces cinq petites minutes où Kassim a fait une gâterie ad hoc. Bon, Pierre, un doigt dans le cul, Et Cindy avec une personne de Fun Radio aussi. Hein. Ah ouais, non, mais Cindy, ça n'a rien à voir. Cindy, elle est en couple. Cindy, elle est en couple. Son mec, il bosse à Fun. Voilà, c'est juste normal, quoi. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Tu l'as souvent dit, Doc, quand on travaille dans la même entreprise, on est amené à se côtoyer. L'étude intéressante à faire serait de savoir si les nouveaux sites de rencontres un peu gratuits ont limité ça. Parce que finalement, maintenant, on peut vachement se rencontrer sur des tas de sites, c'est quasiment gratuit, je ne les ai pas tous en tête. Avec toi, Tinder, Appen, tout ça. Voilà. Quoi. Et donc là, est-ce que ça a changé les rencontres? Parce qu'auparavant, effectivement, tu te rencontrais au boulot. Ou au bahut. Dites-nous d'ailleurs, où est-ce que vous avez rencontré le mec, la nana de votre vie? Venez nous raconter. En attendant, Mickaël, je suis désolé, mais c'est vraiment con que tu puisses pas enregistrer ton rêve. J'aurais bien maté la vidéo, perso. Mais... Il était fait comment, Karel? Ouais, j'étais... Il était comment? Ça va, j'étais bien gaulé. En fait, tu vois, c'était la première fois de la saison que je regardais le live vidéo. Ouais. Et en fait, dans le rêve, vous étiez exactement habillé comme hier, tu vois, genre Karel en mode BG. Ouais, et Alice en mode trop belle gosse, quoi. Enfin, c'était vraiment, voilà. D'accord. Et tu nous as surpris à quelle position 6-9. 6-69. Ah ouais, normal. Avec une veste de tailleur, on se fait pas chier. Hein. Eh bah putain, on est plutôt dans la souplesse. Merci, Mickaël. Tu reviens quand tu veux, Mickaël. Merci à toi. Salut, mon poteau. Venez nous raconter aussi si vous faites des rêves un peu chelous, là. 01-42-48-5000. Alice, il y a quelque chose dont tu voulais nous parler. On a reçu un message de Jessica sur les réseaux sociaux qui nous dit: je kiffe quand mon mec me parle mal pendant l'amour, mais lui, ça le bloque un peu. Du coup, elle se demandait s'il y avait d'autres personnes dans cette situation et surtout pourquoi ça l'excite autant qu'on lui parle mal. Cindy, notre auditrice du soir, tu pourras réagir là-dessus, Cindy? Après, moi, je dis, dans un couple, on peut tout faire, après, pour être d'accord, quoi, c'est ça le souci. Il faut être d'accord, oui. Moi, personnellement, je suis pas con. Il y en a qui se lâchent, hein, au pieu, il y en a même qui en font une spécialité, genre t'aimes ça, avec le mot qui va bien avec. Hein. Dites-nous si vous avez, vous aussi, tendance à vous lâcher, ou au contraire, vous ne supportez pas ça. On en parle après Soprano, en feu sur Fun Radio. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car je suis en feu. Sors de la piste, fais une grande carte de vandale. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches. Ce soir, on est en feu. C'était Soprano en feu sur Fun Radio. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Il y a beaucoup d'appels là encore ce soir. Hein. N'hésitez pas à bien appeler si voilà, si jamais ça décroche pas tout de suite, vous inquiétez pas. On finira toujours par vous décrocher. On va parler de ce message que t'as reçu sur le Facebook, Alice. Ouais, exactement. Un message de Jessica qui kiffe quand on lui parle mal pendant l'amour et elle se demande bah comment ça se fait parce que son mec, lui, c'est pas vraiment son kiff. Donc elle voudrait savoir s'il y a d'autres personnes dans son cas. Ça peut être chelou quand même de se faire insulter par exemple. Moi, j'ai des potes qui disent à leur meuf, t'aimes ça, salope, quoi, par exemple. Ça, c'est chaud. C'est chaud, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'impression de pas respecter la nana quand je lui dis ça. Grave. Dites-nous ce que vous en pensez. Il y a déjà des appels au standard 01 42 48 5000. On a Vinny qui est là. Salut, Vinny. Salut, Vinny. Salut, Carré. Salut, Doc. Salut, Cassine. Salut, Alice. Vous allez bien ? Ça va bien, Vinny. T'as 23 ans, t'es à Metz. Exactement. Alors, est-ce qu'on se lâche au pieu à Metz, Vinny ? Alors, tout à fait. Mais moi, mon témoignage, c'est donc. Pour dire à Jessica que c'est pas la seule fille dans ce cas-là, j'ai eu une ex qui était peut-être pire qu'elle et perso je kiffais pas du tout. Elle te disait genre, quoi ouais, elle faisait quoi ouais, qu'est-ce qu'elle faisait Vas-y, raconte. Je peux le dire mot pour mot. Ah, mot pour mot, vas-y. Tu peux te lâcher ici. Alors, juste les plus jeunes éteignent le son parce que. Non, mais ils éteindront pas ça. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Raconte. Alors, c'était du genre, t'aimes ça, grosse salope, que je te la mette là, dis-moi que t'es une grosse chienne. Et elle le disait, elle voulait même que je l'étrangle et que je la gifle. Donc, c'est vraiment hardcore. Ah ouais. Il faut savoir que les gens qui sont dans cette situation ont besoin, pour ressentir une excitation plus forte, une chose un petit peu, un peu dure, un peu violente. Une violence. Je vais mettre le coussin sur la gueule. D'une grossièreté. Il y a des gens qui peuvent être excités par ça, bien évidemment. Alors. C'est troublant. Alors, quand les deux sont d'accord, bon, pourquoi pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout, quand ça ne se prolonge pas au-delà du rapport sexuel. C'est-à-dire qu'après, il faut quand même pas que, tiens, passe-moi la salade salope. Il faut peut-être éviter, quoi. Ou passe-moi le fromage, puis sale pute, tu vois. C'est, ouais, non. Non, ça, non, c'est... Ça, il faut peut-être éviter. Voilà, mais bon, dans le cadre strict du rapport sexuel, et si tout le monde est d'accord, why not? Ça peut passer. C'est un truc que t'as déjà fait, toi, Alice Ça m'est arrivé qu'on me parle mal. Mais en fait, moi, je suis pas... Mais des trucs immondes. Oh, non, ouais, mais des quel trucs genre immondes. Mais justement, les trucs bien gras, en mode, les t'aimes ça, les salopes, est-ce que tu la sens, est-ce que t'en veux encore? Ah non, mais les genres de trucs où finalement, enfin, moi, c'est pas du tout mon délire. Déjà, j'aime pas trop qu'on me parle trop pendant l'amour. Il y a ceux qui parlent, ça, t'as raison. Il y a ceux qui ont absolument besoin de raconter leur vie. Bah, après que de temps en temps, il y ait des mots d'amour, des trucs un peu tendres, des trucs, voilà, mais parler en mode, je sais pas, on n'a pas besoin de ça pour s'exciter, quoi. Je suis d'accord. Il y a des filles qui disent, effectivement, parle-moi, sinon je vais pas jouir. Il y a des taiseux aussi. C'est évidences, en fait, parce que t'as pas besoin de le dire, puisque tu le ressens que le mec, là, il est en mode un peu sauvage, un peu machin, donc ça sert à rien de le dire, en fait. Ah bah putain, on apprend un truc sur les relations avec Alice là. Quoi t'es tombé sur des gars. Écoute, faut tout. Hein. Vinny, toi t'aimais pas en tout cas, et ça a pas été un gros délire pour toi quoi. Non, j'avais des blocages. Franchement, après je trouvais ça marrant, mais à la longue, franchement, ça m'a bloqué quoi. J'avais plus trop envie. Ouais, du coup, vous avez rompu ou pas? Ouais, ça date d'il y a 3, Non, 4 ans environ, donc ouais. D'accord. Est-ce que tu peux dire que c'est à cause de ça? Non, c'est juste que... On n'avait rien en commun, en fait. D'accord, ok. Pour le moment, c'est dit salut, voilà. Bah, d'accord, bah, c'est peut-être... en la quittant, tu ne l'as pas insulté, non? Non. Non, je ne me suis pas fait un dernier kiss. Non, on a Julien. Julien qui est avec nous aussi. Julien, 31 ans de Saint-Lô. Salut, Julien. Salut, Julien. Salut la famille, comment ça va? Ça va bien, Julien. Raconte-nous, toi. Est-ce que tu as déjà fait des trucs comme ça? C'était la nana? Raconte. Ah bah, moi, en fait, moi, c'est carrément mon délire, de me dire des trucs à la con. Coquin. Petit coquin. Ouais, non, mais moi, c'est mon truc. Tu dis quoi? Même que ça soit au lit ou même devant tout le monde, ça me dérange pas du tout. Ah ouais? En plus, oui, fais ça en public. Tu peux nous dire le niveau de tes insultes? Comment dire? Bah, je sais pas, mettons un truc tout con, si on repart pour hier soir, les enfants couchés, c'est bon, bah, vas-y, hein, que je te prenne le cul, quoi. Julien, putain, non. Non, je suis désolé, non, mais. Elle sait très bien à quoi, c'est de faire un truc comme ça, quoi. T'es pas sortable, Julien, sans déconner. Je ne t'inviterai plus à un dîner. Je vais te dire, c'est pas le problème de le dire. Ça m'étonne pas. Moi, que ça soit dans un resto ou n'importe où, moi, je m'en fous. Tu vois. Moi, je suis comme je suis, j'ai pas besoin de me cacher. Mais attends, tu lui dis devant tout le monde au resto, tu veux que je te prenne, je sais pas quoi, là? Après, ça dépend. Il y a des fois, je peux très bien dire, viens, on va vite aux toilettes et puis on va, voilà. C'est très glamour. Ça m'est arrivé une fois au McDo, enfin, tout con, une petite anecdote il n'y a pas longtemps de ça. Eh ben, on n'aura pas le temps de l'entendre, on l'écoutera tout à l'heure. Julien, tu restes avec nous. Pas. Julien, il est chaud, hein. Et on sera avec Quentin dans un instant, 20 ans de Bonneville, pour l'appel à l'aide. Il a eu un coup de foudre pour une fille, il va l'appeler en direct sur Fun Radio. Il y a un souci de religion, justement, entre eux. Donc on en parle, on le fait dans un instant et on écoutera Jonas Blue avec Perfect Strangers. À tout de suite. Let's go. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. The Parakeets. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. Fun. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Bon, les enfants, rangez les pelles et les seaux. Chérie, on plie les bagages. Les vacances, c'est fini. Ouais. Et oui, il y a des rentrées qui donnent envie de rentrer. Avec Cdiscount, soyez remboursés jusqu'à 100% sur vos achats du 29 août au 14 septembre sur plus de 400 000 articles. Cdiscount. Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre sur une sélection de produits. Conditions complètes de l'offre sur Cdiscount. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclus sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. Samedi soir, au club 801 à 3. Let's go. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Retrouvez le DJ Fun Radio Niels Van Zandt en DJ set exclusif. Welcome to Party Fun. Party Fun Club by Niels Van Zandt au club 801 à 3. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6€ minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10€ valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100€ offerts en bon d'achat pour 500€ d'achat en meubles, déco et électroménager. 100€ offerts! Et oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Primigi! Pour une aventure extraordinaire! Une aventure née il y a 40 ans. Depuis, Primigi a fait marcher dans le monde entier des millions d'enfants de 0 à 14 ans.

anglaise superstar sur Fun Radio, Jonas Blue, Perfect Strangers. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. S'il y a bien une émission où ça devait exister, c'est bien dans la nôtre. Vous savez que nous, on est là tous les soirs pour vous conseiller, pour vous aider avec un vrai médecin qui est là, le doc bien sûr. Et on s'est rendu compte que souvent, vous nous demandiez de vous aider quand la situation était très grave. Parfois, un peu moins bien sûr, mais nous, on s'est dit qu'il fallait créer justement l'appel à l'aide pour vous venir en aide chaque soir sur Fun Radio. Et ce soir, on va essayer d'aider Quentin. Il a 20 ans, il est de Bonneville, au 01 42 48 5000. Salut Quentin. Salut. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut, bonsoir. Quentin. Alors Quentin, salut. L'appel à l'aide, ça va bien Quentin, on est content de t'avoir sur l'antenne. Raconte-nous pourquoi t'as besoin d'aide ce soir. Alors je vais vous expliquer en fait, un coup je suis allé faire des courses à un Carrefour. Oui. Et en passant en caisse, il y avait une jeune caissière bien sûr. Et en fait, au premier regard, je suis tombé, franchement, je sais pas si c'est de l'amour, mais je ressentais quelque chose d'énorme pour elle. Le coup de foudre. Je sais pas si c'est un coup de foudre ou si je suis tombé amoureux sur le coup, mais franchement je suis amoureux de son sourire, son regard. Okay. Et en fait, le souci, le hic, c'est que voilà, moi je suis français, elle est musulmane et je pense que le problème, c'est ça en fait. Attends, mais elle est française, elle musulmane. Oui, elle est française aussi. Oui, elle est française, non mais je veux dire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit exactement, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit comme quoi les seuls hommes à qui elle pourrait parler, c'est ceux de sa famille en fait. Ceux de sa famille, d'accord. Ah ouais, donc. Donc là, elle n'a pas le droit de te parler et elle veut pas entendre parler de toi. En fait, elle m'a dit comme quoi elle aimerait parler, mais genre comme quoi, ça poserait problème, voilà. Dans sa famille, d'avoir une relation avec quelqu'un comme toi qui n'est pas musulman, quoi. Exact. D'accord. Et cette fille-là, tu l'as contactée depuis ? T'as essayé de la rappeler ? C'était il y a combien de temps cette histoire ? Alors le premier jour où je l'ai rencontrée, c'était le 20 août, si je me souviens bien. Ouais. Et en fait, j'ai essayé de lui parler et tout. Et puis après, elle m'a expliqué comme quoi c'était pas possible à cause de sa religion. Voilà. Et depuis, elle veut plus te parler. Quentin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un petit coup de téléphone, oui. Parce que tu veux qu'on arrive à lui parler. Je pense que dans un premier temps, tu vas devoir un petit peu lui parler et lui expliquer où est-ce qu'elle se retrouve et pourquoi tu as décidé ce soir d'appeler Fun Radio pour parler avec elle, d'accord ? Ouais, pas de souci. On y va ? On y va. On y va, Quentin. Et n'hésitez pas à nous appeler et réagir hein, si vous aussi, vous avez connu une situation similaire. Non, ouais, on va savoir sa position. Elle n'est peut-être pas amoureuse du tout aussi. Hein. Ah bah oui, aussi. Non, merci. Allô ? Oui, allô, ça va ? Oui. Salut, c'est Quentin. Ouais. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Bon, je t'explique le bail. C'est comme quoi, en fait, c'est pas RTL, c'est pas un cadeau, c'est moi, je tente le tout pour le tout. Voilà. C'est sur Fun Radio, en fait, c'est exact, sur Love in Fun. Et en fait, je tiens à te dire que pour toi, je ressens quelque chose d'énorme. Quand je me lève le matin, je pense à toi. Quand je me couche, je pense à toi. Toute la journée, je pense à toi. J'arrive pas à t'enlever de ma tête. C'est pas possible. Donc, j'aimerais bien, tu me laisses une chance. Ouais, je vois. Mais en fait, j'ai rien compris là. Alors, on va t'expliquer, Sarah. Bonsoir, Sarah. T'es en direct. Bonsoir. T'es en direct sur Fun Radio. Voilà, dans toute la France. Quentin nous a appelé dans une rubrique dans l'émission qui s'appelle l'appel à l'aide parce que Quentin il nous a expliqué que voilà il était à Carrefour quand tout à coup il t'a vu le coup de foudre et il nous a expliqué que voilà pour toi c'était très compliqué parce que par rapport à ta religion t'avais pas le droit d'avoir une relation avec quelqu'un comme Quentin en fait et je crois qu'il a du mal à le comprendre, il sait pas trop il a besoin de plus d'infos en fait. Non, mais c'est pas forcément avec quelqu'un comme lui, c'est avec tous les hommes. Pour l'instant, je suis beaucoup trop jeune, j'ai que 18 ans. T'as 18 ans et tes parents t'autorisent pas de parler avec un homme ? Bah, de parler, si, mais après, non, pas plus, quoi. T'as le droit... Même moi, je veux pas. Voilà. Quentin, t'as compris ça ? Oui, je comprends. Ah bah oui, parce que elle veut pas. Hein. Elle veut pas. Hein. Malgré tout, tu acceptes qu'il te parle ou tu préférais qu'il ne t'appelle pas ? En fait, je ne veux pas parler avec lui. Voilà. Bon, c'est clair, Quentin ? Aïe. Ouais. Mais pourtant, je lui ai dit par message, mais il ne veut pas comprendre. Je pense que là, il aura compris parce que ça s'est dit devant témoin, devant tout le monde. Elle ne veut pas parler avec toi, Quentin. Il va falloir que tu l'oublies. Quentin, on appelle ça un petit râteau quand même. Ouais. Je ne te cache pas. Non, mais en plus, En plus, ça fait vraiment pas longtemps. Ça doit faire quoi, 2 semaines? Et j'ai arrêté de lui parler au bout d'une semaine et demie. Mais c'était, bah oui, ok. Ouais, mais c'est un coup de foudre. Bah oui, mais on s'emballe. Ouais, mais enfin, il est unilatéral, le coup de foudre. Ah non, mais on Il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas de paratonnerre. Ah oui, Sarah, tu es trop belle. Hein, il a accroché, voilà. Ça t'apprendra à être si jolie en même temps, Sarah. Bon, et ben écoute, merci en tout cas de nous avoir répondu et voilà d'avoir été franche et sincère avec Quentin, qui, à mon avis, ne va pas passer une bonne soirée. Ouais. Hein je suis désolée. Bah, c'est pas grave. Non, Sarah. C'est très gentil. Non, non, il vaut mieux dire les choses que de laisser en plan comme ça et laisser s'imaginer des trucs, quoi. Ouais. Sarah, en tout cas, on te fait des gros bisous. Tu seras toujours la bienvenue ici si t'as envie de parler, d'accord? Merci beaucoup, c'est gentil. Salut Sarah. Salut Sarah. Moi, je suis désolé, mon Quentin. Voilà. En tout cas, maintenant, t'es fixé, Quentin. Ouais. Bon, d'accord. Ah bah ouais, passe, ça fait passe, mal. Hein. Passe ton chemin. Mais oui. Rato. Mais ça va. Oh. C'est, exact. Rato. Et la saison commence. La saison commence. Ouais. C'est la rentrée. Je suis sûr que tu vas retomber sur tes pattes très rapidement. Salut, mon Quentin. Espérons. Bonne soirée, les amis. Ouais, les amis. 0 à 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler tous les soirs. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est Steven. T'es là, Steven? Ouais, je suis là. Salut, ouais, tout le monde. Salut, Steven. 24 ans, ça Fontainebleau, va ça va pas mal. T'appelles pourquoi, toi, Steven? Alors moi, j'ai besoin de vos conseils, des techniques que vous pourriez me donner parce que j'ai des gros soucis avec des filles. Et on appelle ça la friend zone. Ah, donc, si comment sortir de la friend zone? Tu restes avec nous, on va t'aider bien sûr après Black M. Je suis chez moi sur Fun Radio. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafette chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'enchaîner. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Il sera invité tout à l'heure dans le Night Show avec Marion Manso. C'était Black M, je suis chez moi sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. In. Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. À la cool, hein, dans les studios de Fun Radio, j'espère que tout va bien. Vous profitez bien de votre soirée, là, vous tous là, qui nous écoutez. Vous êtes peut-être sur les routes en ce moment, dans la chambre, tranquille, en train d'écouter. Il y en a aussi qui démarrent et qui sont à l'internat. Là, hein. Merci d'être avec nous, en tout cas, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Vous êtes tous les bienvenus sur Fun Radio. On lit pendant l'émission régulièrement les messages que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission, la fanpage Love in Fun, sur le Twitter, hashtag Love in Fun. C'est Alice qui lit tous vos messages. On a reçu un message de Pierre qui nous dit: est-ce que c'est vrai que vous pouvez passer un son si on vous le demande? Parce que moi, en ce moment, j'adore In the Name of Love de Martin Garrix. Est-ce que vous pouvez le mettre? On écoutera Martin Garrix, In the Name of Love. Pierre sera content. Et un autre message de la part de un fou de Love in Fun, j'imagine que c'est un pseudo. Ouais. Comment on fait si on veut réécouter l'émission de ce soir? C'est Godefroy hein, qui s'en occupe. Enfin, c'est ça, tu mets les sons dès le lendemain ou le soir même, Dès le lendemain. Tu pourrais faire mieux. Ouais, fais-le de nuit quand tu rentres chez toi, quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, mais je rappelle que Godefroy, la nuit, se transforme en femme. Donc, il ne peut pas tout faire. En tout cas, vous pouvez réécouter les replays sur le site de funradio.fr et depuis peu sur l'application mobile aussi. Fun Radio directement sur les portables. Hein. Allez-y, déchirez tout. On a Steven qui est avec nous. Il a 24 ans, il est de Fontainebleau. Bonsoir, Steven. Salut. Salut, ça va tout le monde? Pas mal, Steven. Bon, toujours, bah nickel. Toujours avec Cindy, notre auditrice du soir. Tu peux la saluer aussi, Steven. Salut, Cindy. Coucou. Alors, on va parler de quoi avec toi? Alors, moi, j'ai un petit souci. C'est que, voilà, ça fait 2 ans que je suis célibataire, que je tchatche pas mal sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous. Oui. Et le problème, c'est que je rencontre des filles, on discute. Et à la finale, je me prends des râteaux. Bah ouais. Donc je me dis aujourd'hui, est-ce que c'est le fait de trop m'avancer vers elle, trop ouvrir ma vie et d'être trop lent? Attends, tu vas sur quels réseaux sociaux déjà? Alors, je vais un petit peu sur tous les sites de jeunes, hein, comme Badou, adoptunmec.com. Putain, tu fais tout quoi. Et tu cherches un mec ou une nana, toi? Non, c'est une fille qui adopte un mec. Bon après, hein, pourquoi pas, mais non. Ouais, mais... T'es bi? Non, quand même pas. Mais non, bon. Écoute, j'ai l'impression que... Pour le savoir. Non, il n'est pas bi. Voilà. D'accord. Mais bon, j'ai pas essayé. Écoute, il n'y a pas que les réseaux sociaux pour rencontrer des filles, quand même. La vraie vie? Bah ouais, je sais, dans la vraie vie. Alors le problème, c'est que moi, je fais un boulot assez compliqué. C'est quoi ton boulot? Alors moi, je suis agent immobilier. D'accord. Et le problème, c'est que je vois toute ma clientèle toute la journée et aujourd'hui, je peux pas créer des liens avec des clients parce que si ça se passe mal, ça va être une réputation après qui va tourner et derrière, je vais être grillé un peu au niveau de ma notoriété. D'accord. Et donc aujourd'hui, je suis obligé d'aller pêcher un petit peu dans des secteurs autres de mon taf et des secteurs que je connais pas, ou alors faut que je sois en soirée avec des potes. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Bah, moi, je veux baiser la doc, j'ai l'impression. Non, pas forcément. Qu'est-ce que tu veux? Bah moi je voudrais bien me poser, fonder une petite famille, enfin voilà, la bonne. C'est ça, c'est pas exactement voilà. Ah, c'est... Alors, effectivement il y a plus d'exigences, donc c'est plus compliqué et on trouve pas comme ça facilement, il faut parfois du temps. Bah oui, c'est la réalité. Et bon, et après c'est vrai que t'as des vrais sites de rencontres pour relations sérieuses, parce que la plupart du temps les sites de rencontres, c'est quand même en général, ça se termine très vite au lit. Ouais, mais tu peux pas savoir, en fait c'est juste une rencontre déjà, en fait c'est le mot rencontre, moi je trouve. Tu rencontres quelqu'un et après il peut se passer tout, et il peut se passer un plan cul, il peut se passer un râteau, il peut se passer une histoire d'amour, quoi, tu sais pas. Et puis on peut avoir le coup de cœur comme l'auditeur d'avant, hein. Il suffit d'avoir le coup de foudre mais il faut que ça passe, quoi. Bien sûr, faut que ça passe, c'est pas évident. Oui. Moi j'ai remarqué un faut truc du temps. J'ai remarqué un truc, Doc, c'est souvent quand on cherche pas que finalement on trouve. Oui, parce la personne, que quoi. Ça se voit trop quand on cherche, il y a trop de. C'est marqué sur ta gueule. Expressions qui sont de l'ordre de l'angoisse et de la fermeture, comme si les gens sont crispés autour de ce manque et finalement n'exultent pas dans la vie. Tu fais quoi comme sport? Je ne fais pas de sport. Parce tu vas faire du sport, ça va te faire du bien. Ah, Doc, il faut faire du sport dans la vie, sinon t'es mort. Hein, je te le dis direct. Hein. Tu vas courir, par exemple, tu vas faire des rencontres en plus en courant. Ça c'est sûr. Ouais, mais je vais après. Là, pardon, tu suis, mais c'est pas grave. Mais t'es pas obligé de coucher avec elle tout de suite. La friend zone, la friend zone, il y en a plein qui sont dans la friend zone, qui se lient d'amitié avec une fille et puis qui arrivent pas à en sortir. Comment est-ce qu'on peut sortir de la friend zone, ou comment déjà on peut ne pas rentrer dans la friend zone, Alice? Bah, faut pas être trop pote, déjà, parce que quand t'es trop pote, moi j'ai toujours dit, à partir du moment où tu te places comme le confident, et que la nana va te raconter ce qui se passe, ses histoires de cœur, machin, bah je pense que c'est foutu. Ah ouais? Bah, c'est particulier. Ne quoi. Me parle plus, Alice. Non, mais attends, il y a quand même des choses simples dans la vie. Tu rencontres des tas de gens, et les gens ne sont pas tous à imaginer une relation amoureuse ou sexuelle. Donc tu peux rencontrer des filles quand t'es un garçon et vice-versa, et pas obligatoirement établir une relation qui va plus loin. Et puis un jour, c'est tout, il va y avoir l'alchimie qui va se produire, Steven, mais c'est quand on cherche quelque chose de sérieux comme toi, c'est plus compliqué que quand on cherche un plan cul, ouais. C'est sûr. Oui. Pourquoi tu cherches pas juste à rencontrer quelqu'un et puis après tu verras bien, quoi? Ça viendra un jour. Faut que je la rencontre. C'est que toutes les filles que j'ai, par exemple, sur mes comptes, etc., c'est des potes, quoi. Voilà. D'accord. T'arrêtes et tu vois vraiment les gens et t'es pas obligé de. C'est tout. Puis un jour, tu vas tomber sur une fille qui va flasher sur toi. Kassim a une petite astuce. Oui, Kassim. Faut caler des doigts tout de suite, comme ça, tu sais. Faut caler des doigts tout de suite. Bah oui, comme ça, plus d'amis. Non, Kassim, tu rentres dans le vif du sujet, quoi. Merci, Kassim, pour cette remarque. Au moins, on essaye, hein. Oui, non, mais Steven, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu risques un gros danger. Je t'assure. Non, mais bien sûr. Après, comment tu leur parles? Qu'est-ce que tu leur dis? Tu dis que tu discutes beaucoup avec elles. Bah ouais, en fait, je parle de moi. Mais alors... est-ce que tu dis tout de suite que tu cherches quelqu'un avec qui tu veux te poser? Parce que je crois qu'il faut tout de suite aller au but, non? Je me trompe? Bah, ça... Je devrais faire peut-être alors. Forcément. Je crois que essaye d'être toi-même, de parler naturellement et très simplement. Mais et ça marche pas, Doc. Si c'est... Mais ça marche pas pour l'instant. Dans ce qu'ils recherchent, ça peut mettre 2-3 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah, puis ça peut ne jamais arriver aussi. Il y a des gens chez qui ça arrive jamais, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu réagisses. Et puis sors un peu quand même, sors de ce schéma des rencontres par Internet. Cindy, ouais. Notre auditrice du soir, toi, t'as un mec, toi, Cindy? Non, on va dire que j'ai un coup de cœur. T'as un coup de cœur? Un coup de cœur avec qui t'as eu des enfants quand même? Non, je suis en divorce. Ouais, j'ai eu des enfants, puis je suis en divorce. Ah, d'accord, ok. Et comment tu l'as rencontré, ton coup de cœur? En fait, c'est compliqué. On était des amis, et puis, on s'est perdu de vue. Puis, en fait, pour moi, je l'intéressais pas. Pour lui, je l'intéressais pas. Puis, en discutant, on s'est rendu compte qu'on faisait fausse route. Et donc toi, Cindy, à 24 ans, t'as des enfants, t'as déjà divorcé, t'as déjà tout fait dans la vie, toi. Ouais, j'ai pas été gâtée. Ah bah, bon, on te souhaite en tout cas d'être heureuse. On te présente Steven, même âge que toi. Bien sûr. Salut Steven. Ah voilà, une idylle se crée à l'instant sur Fun Radio. Ah, ça c'est bien. Ah, t'es content. Tu vas rester ici, on va te repasser un petit peu Cindy, mais elle va rester aussi avec nous parce que c'est notre auditrice du soir, d'accord? Ouais, salut mon Steven. Je peux passer une petite dédicace quand même? Vas-y, lâche-toi, bien sûr. Alors, je voulais faire le bonsoir à Oussama, à Willy et à Ben Ben. Eh ben, le message est passé. Voilà. Salut, les gars. Merci. Et Lison, c'est Lison qui nous rejoint sur Fun Radio. Bonsoir, Lison. Salut, Lison. Lison? Bonsoir, Ali. Oui. Salut, Lison. T'as 22 ans, t'es deux mots, t'appelles pourquoi, Lison? Alors, en fait, je vous explique, j'ai un petit problème. Quand on me touche les tétons ou quand je me touche les tétons, j'ai soif. Ah, c'est intéressant ça, Doc. Moi, généralement, ça m'excite. Mais peut-être qu'elle aussi, ça l'excite. Alors, c'est quoi cette histoire, Doc? Je sais pas, c'est quelque chose dans sa tête qui se met en place. Et si, par exemple, t'as déjà essayé, avant qu'on te touche les tétons, de boire deux verres d'eau? Non, j'ai jamais essayé. Essaye ça, tu verras, t'auras plus soif. Est-ce que ça déclenche chez toi du plaisir? Oui, mais ça me donne soif beaucoup. Mais c'est marrant parce que t'as envie de boire quoi? C'est comme si... De l'eau. De l'eau, c'est comme si l'excitation qui devrait être naturellement générée par cette stimulation, si elle est bien faite, déclenche l'inverse de l'excitation, mais pas l'inverse, en tout cas une réaction différente qui est la soif. Mais je crois que c'est cette stimulation qui est à l'origine de ça. Et tu bois un coup et ça va mieux? Oui, du coup après quand je bois. Et après, est-ce que tu as du plaisir après? Oui, après c'est. Ah bon, ça démarre. Soucis, mais c'est quand je suis pas excitée que je me touche les tétons pour me laver ou autre, pour me gratter, okay. Ça me donne soif. Et est-ce que tes mecs jouent avec ça, genre? Oui. Oui, ils te touchent régulièrement les tétons pour que tu boives un coup. Parce qu'ils le savent et du coup ça me voilà. C'est bizarre ça. Ils vont te chercher un verre d'eau, au moins, dans ces cas-là? Non, un verre d'alcool, je suis sûr. Non, c'est vraiment de l'eau. Putain, les mufles, ils laissent la fille y aller, ils vont même pas, tu vois. Ah ouais, non, mais sans déconner. C'est la première fois que j'entends ça, Lison. T'as peut-être un super pouvoir, je sais pas. Hein. Mais apparemment, c'est pas la seule. Hein. Ah, vas-y, Alice. Ça m'a intriguée, du coup, j'ai fait une petite recherche et je suis tombée là sur pas mal de forums où il y a des mecs et des filles dans ton cas. Et par contre, ça reste inexpliqué. Hein, donc, ça se trouve, je sais pas. C'est vraiment particulier. Oui, ça peut être un réflexe que la nature dicte, puisque lorsque notamment dans la nature. L'enfant va au sein, il va téter, il va prendre du lait, donc ça va déclencher de la soif chez la maman, naturellement. Ah, putain, peut-être que c'est ça l'explication. Je propose de faire le test en direct. Alice, ouais. Alors, je vais donc te toucher. Moi, ça ne me donne pas soif, hein. Ça marcherait pas. Bon, désolé, enfin, voilà. C'est pas grave. Il a essayé de lui toucher les seins. En fait. Oui, bah, essayé. Oui, bien sûr, tu me connais, Doc. Et puis, de toute façon, tout le monde l'a vu à la caméra, que je n'ai rien fait du tout, rien tenté. C'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu que t'as... J'ai vu que t'as touché. Dans l'émission. Je ne peux rien faire avec Alice. Hein. Il est avec Atoche, mais je ne peux pas toucher Alice. Hein. Il est très protecteur. Avec Alice, c'est un mec. Ah, bah bien sûr. Bon, ah, oui, toi, t'as une femme, non? Ah, oui, alors. Bah, voilà. Ça va, putain, on n'a qu'une vie, bordel. Oh, oh là là. Lisons, ma chérie, en tout cas. On ne te touchera pas les tétons ce soir. Hein, parce qu'on n'a plus rien à boire. Je suis désolé. On ferme boutique. Je te fais des gros bisous, ma chérie, en tout cas. Salut, Lison. Merci beaucoup. Et dites-nous d'ailleurs, hein, si vous aussi, quand on vous touche à un endroit en particulier, ça provoque chez vous quelque chose. N'hésitez pas, on en parle à tous ensemble sur Fun Radio, des choses un peu cheloues là. 01 42 48 5000. Il y a Florian aussi qui sera là. Florian, t'es là ? Salut Florian. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Florian, t'es à Évreux, toi ? C'est ça. Qu'est-ce qui t'amène, Florian ? Ce qui m'amène, c'est que ma passion est un peu trop dévorante. D'accord, et tu sais quoi ta passion, juste pour savoir ? La mécanique. La mécanique ? Et t'as perdu ton mec avec ça ? Ouais. D'accord, bon, on va en parler quand la passion est trop importante dans la vie. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas, on vous attend au standard. On écoutera Major Lazer avec Boom sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio, Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Ben-Hur. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben-Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben-Hur, un choc visuel, un spectacle total en 3D. Gagne la course, gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. Samedi soir, au club 801 à 3. Let's go. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Retrouvez le DJ Fun Radio Niels Van Zandt en DJ set exclusif. Welcome to Party Fun. Party Fun Club by Niels Van Zandt au club 801 à 3. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1 ? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Merci Fun, j'adore trop le son que vous passez. Le son Dance Floor. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées, un RDT. était sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Love in Fun sur Fun Radio. Et les amis, ce soir, le double fun va tomber. Le double fun, c'est Justin Bieber. C'est le concert. L'Accor Hotel Arena. C'est le carré or, hein. Les meilleures places. Celles qui valent un paquet de pognon. Dès que vous entendrez DJ Snake, Justin Bieber enchaîne avec Justin Bieber, What Do You Mean, le double fun de Justin Bieber pour le concert. Événement le 20 septembre à Paris-Bercy, 32-28, hein, dernière place à gagner ce soir sur Fun Radio. Restez bien avec nous, ça va tomber tout à l'heure, hein, dans l'émission. Et je sais que tous les fans de Justin sont comme des dingues là ce soir, donc n'hésitez pas, 32-28 tout à l'heure, le double fun qui va tomber. En attendant, on va accueillir Floriane sur Fun Radio, elle a 21 ans. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Salut à toi Floriane, tu viens nous raconter un petit peu ton histoire là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je suis passionnée de mécanique d'automobile, mm-hmm. des voitures, tout ça, mm-hmm. et je voulais savoir s'il y avait des gens qui étaient dans ma situation où des fois ça pose problème par rapport... Quel problème as-tu rencontré? Bah, par exemple, mon ex qui me disait, oh, mais tu pues, tu as les ah. Bah oui, parce qu'après la mécanique, on sent un peu l'huile des vidanges, on sent ces choses-là. Et à peine fini le travail, ah bah tu pues, bah je viens de rentrer. Agréable le mec. Ouais, carrément. Ok. Et ensuite, on appelle ça un connard. Après, du coup, on est plus ensemble quoi. Donc bah il t'a quitté. Écoute, je vais te dire une chose. Rien perdu. S'il t'a quitté pour cela, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Ouais. Ah bah c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, de toute façon, si t'acceptes pas ma passion. Non mais même quoi. Quand on aime quelqu'un, on va pas regarder ce qu'il y a sur les mains ou s'ils sont cambouis. C'est n'importe quoi. Bon, c'est tout, t'as rien perdu, il t'aimait pas. Parce que le problème, en fait, avec une passion qui est vraiment dévorante, c'est quand elle prend toute la place dans ta vie. Alors, quoi. Ça, c'est le deuxième aspect. Combien de temps ça prend pour toi dans ta semaine? Franchement, quand je pense pas à m'arrêter, je peux y passer tout le temps, en fait. Toute la journée. Tous les week-ends? Bah ouais, carrément. Bah, ah oui, mais attends. Surtout le week-end, surtout. C'est là où j'en suis plus encore. Que ah ouais. Je travaille aussi, donc bon. Mais là, tu comprends bien qu'en dehors de l'odeur qui te dérangeait, il y Il y avait peut-être le temps passé. Si tu passes tout ton temps à s'occuper de mécanique et qu'il ne te voit jamais, à un moment donné, il va... Normal craquer. Qu'il se casse. Ça, ça c'est normal, d'accord, Florian. D'accord ou pas? Après... Bah, il me voit le soir, c'est d'ailleurs. Ouais, non, mais après, Florian, est-ce que si tu rencontres un mec, t'es hyper amoureuse de lui, t'es prête à faire des efforts? Parce que je veux dire, il faut faire des concessions dans un couple. Maintenant, je pense que ouais, je ferai peut-être des efforts. Tu passes ton temps à faire de la mécanique, c'est-à-dire tu prépares une bagnole pour la course, tu prépares quoi, tu non, fais quoi, je répare. Fais du tuning, tu répares les voitures non, des autres. Ouais, je répare la mienne en ce moment, mais sinon les voitures des autres, je donne des conseils. Ah ouais, si j'en fais, si j'en fais pas, j'en parle, et si j'en parle pas, j'en fais. Donc parce que maintenant c'est devenu un véritable ordinateur, une voiture, non? C'est vrai que je suis plus sur les voitures qui sont pas encore trop électro, parce que les c'est quoi voitures, c'est quoi ta vieille bagnole, les vieilles bagnoles. T'as quoi comme voiture? Moi, j'ai une Polo. D'accord. Une vieille Polo 2003. Ouais, mais enfin, j'imagine que tu as rajouté des trucs dessus, non? Ouais, j'ai fait des trucs. Tu customises les bagnoles? Non, enfin, après, rajouter des enceintes, par exemple, sur la plage arrière ou changer le poste radio, mais je suis pas non plus. Bon, voilà, et le jour où tu auras un mec que tu aimes vraiment, tu feras un compromis dans ta tête et tu essaieras de lui consacrer des heures. Ça n'exclut pas la passion. Il y a aussi la famille, il y a des choses qui me le disent. Voilà. Écoute, moi, je trouve ça bien d'avoir une passion à ton âge. Voilà, je te le dis comme ça. Sauf que parfois, c'est au détriment de la vie affective. Il faut un jour que ça évolue. C'est ouais. tout. Et c'est souvent quand tu rencontres la bonne personne que ça se passe. Il y a beaucoup de réactions pour toi. T'es pas la seule hein, à avoir une passion comme ça qui joue dans la vie de couple. Élise est avec nous, 23 ans à Nice. Salut, Élise. Salut, Élise. Bonsoir, Karel. Bonsoir, le dog. Bonsoir, Élise. Salut. Bonsoir, Élise. On t'écoute. Moi, ma passion, c'est les Picsou, les livres Picsou et les Picsou. Les Picsou ! Oh, j'adore. Oui. Picsou Magazine. Oui. Hein, c'est ça. D'accord. Ouais. Pif et Hercule. Tu les connais tous par cœur ? Tous, non. C'est quoi ? Est-ce que tu peux les lire plusieurs fois de suite ? Ouais, ça mais peut c'est... m'arriver, oui. C'est bizarre, cette passion. Bon, toutes les passions sont bizarres. Mais attends, c'est vrai. Remarque, ouais. Quel personnage préfères-tu dans Picsou? Gontran. Bah, j'ai pas tellement de personnages préférés au final. C'est vrai. Fifi. Ouais, et Loulou. Parce que non, c'est Daisy et l'oncle Picsou, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu préfères Daisy ou l'oncle Picsou? Ah bah attends. Je viens d'avoir un truc. Déjà, on a une imitation d'Alice qui nous fait très non, bien. Bien et je viens de penser, en fait, l'oncle Picsou, c'est Doc, les amis. C'est avec toute sa thune et tout. Tu sais, qui nage dans ses billets de banque et tout. En fait, c'est Doc. C'est toi. Non, mais souvent. Attends, t'es quoi? T'es Donald? Moi, je suis. Attends, moi, je suis quoi? Un petit canard? Bah oui, Donald. Non, moi, je suis plutôt, moi. Je suis le chien, là, tu sais, là, tranquille. Ou alors, je suis. Tu remues la queue, c'est ça? Ouais, j'adore ça, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a Clarabelle aussi. Vous vous souvenez de Clarabelle? Pas du tout. Ah oui, on s'en souvient pas. Mais moi aussi, j'ai une passion pour Picsou. Est-ce que ça te gêne dans ta vie quotidienne? Moi non. Après, mon compagnon, ça l'embête un peu parce c'est que sûr. Je l'emmène à toutes les brocantes et des greniers. Ah oui, pour carrément. Et le soir, avant de dormir, tu lis Picsou? Ouais, bon, ça le dérange pas forcément. Parce que lui, c'est fort. Il est dans ses séries, donc ça le dérange pas. Sauf qu'après, il va avoir l'impression de coucher avec Picsou, mais enfin bon. C'est le fait de les stocker qui me dérange le plus. Ah bah il y en a beaucoup, mais c'est une vraie collection que t'as et tu comptes peut-être les revendre plus tard ou c'est vraiment. Mes enfants, je les laisserai à mes enfants. C'est génial. J'ai mon beau-frère qui a la même passion que moi. Bon. Donc lui, il en a plus que moi. D'accord. Ah il y en a que j'ai pas, donc ça renforce les liens. Ouais. Ah bah c'est de famille en fait. Dans la famille on collectionne. Le journal de Mickey, Picsou Magazine, voilà. Super Oncle Picsou. Alors, t'es pas la seule à avoir une passion comme ça. Il y a Mathieu aussi. Mathieu, t'es là? Ouais, je suis là. Mathieu, c'est quoi ta passion, toi, où t'es à fond? C'est un peu pareil aussi. Mais plutôt les comics. Donc, les super-héros, Batman, d'accord. Superman et tout ça. Oui, c'est la génération d'après. D'accord. Ah, ça, c'est la cam d'Alice. Hein, ouais. Elle adore les super-héros. Mais moi, je suis plus Marvel que DC Comics. Ah, merde. Donc, il a pas trop cité Marvel. Donc, mon héros préféré est un Marvel, c'est Daredevil. Daredevil. Mais moi, je pense que ça, c'est tout à fait sain. D'avoir des lectures comme ça, même des bandes dessinées, peu importe. Oui, pourquoi pas. Et d'avoir des gens auxquels on a envie un peu de s'identifier, même s'ils sont un peu décalés. Charlène, t'es là? Salut Charlène. c'est Charline. C'est Charline. Pardon, salut Charline. Mais Kassim, c'est pas écrit. Hein. Bah oui, non, mais de toute façon, Kassim, il apprend à écrire. C'est ça le problème. J'écris en arabe. Ouais, ouais. Je vais t'envoyer à la maternelle comme mon fils tous les matins. Cool. Alors, Charline, t'as 23 ans, t'es d'Annonay. Et quelle est ta passion, Charline? Je fais beaucoup de tricot et du coup j'ai des pelotes de laine de partout chez moi. C'est mamie Charline. Est-ce que tu pourrais tricoter un pull pour un de nos auditeurs? Ah ouais, ce serait mortel ça, avec un logo Fun Radio. Moi j'aimerais trop. Ah, tu sais quoi, si tu m'en fais un, je le porterai tous les soirs. Moi aussi. Attends, tu fais donc tu dois être très entraîné. Il te faut combien de temps pour fabriquer un pull avec les aiguilles? Je fais pas trop de vêtements en fait. Ah d'accord. Quoi? Ouais. Des carrés. Je fais des peluches, je fais des couvertures. Ah, ouais, ah bah une peluche, des peluches. Mortel. Oh, je veux tu trop. Peux nous faire une peluche Love in Fun? Bah oui, au moins. Eh bah mortel. Oh, trop bien. Charline, tu sais quoi? On la fera gagner à l'antenne. Je suis sûr que ça va faire un carton. Je suis sûr qu'on va se trouver des cadeaux de dingue cette année. Ouais. On va aller jusqu'à notre mascotte. On les trouve nous-mêmes en fait. Bon, ah bah oui, bah, de toute façon c'est comme ça hein, maintenant, de nos jours. Hein. Les temps après, changent. Après je peux faire des objets en tout genre. Hein. T'as dit, attends, qu'est-ce que tu peux faire comme objet? Une bite. Oh non, un bonnet. C'est Kassim, ça. J'ai tricoté, oui, une bite pour ma soeur, pour son anniversaire. Mais non! T'as tricoté, tu tricotes des tubs. Elle est tricoteuse de tubs, Charline. C'est génial. Bonjour, dans la vie, je suis tricoteuse de tubs. Bonsoir. C'est vrai, Charline, tu peux tricoter un sexe comme ça? Ah bah oui. D'accord. Tu as des photos peut-être à nous envoyer? Non, parce que on aimerait beaucoup poster une photo de tub en tricot. Il n'y a pas de souci. Ah, génial, génial. Reste avec nous, Charline. On tient un bon dos là. Et Charlie, t'es là? Charlie, 20 oui, ans d'Alençon là. Salut Charlie. Salut Charlie. Salut. Ça va? Bonsoir Charlie. Alors, on a eu plein de passions là. Le tricot, bien sûr. Super oncle Picsou. Et toi, Charlie, quelle est ta passion? Alors, du coup, moi, elle va être un peu plus connue. Enfin, sans dénigrer. Du coup, c'est une addiction pour les jeux vidéo. Ah ouais, non, vraiment, passé... mais c'est envahissant. Hein. C'est un peu ma passion. Ouais. Ouais. C'est envahissant, alors, oui. Ouais. Tu joues coup, à quoi en fait, une passe, à League of Legends surtout. Ah, ok, donc LOL, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Les parties, ça dure 20 minutes, 50 minutes. C'est ça. Et ça nuit à ta relation, toi, comme pour Florian? Bah alors, ouais, surtout parce que déjà, comme une partie dure 30 à 50 minutes, et c'est non-stop, c'est-à-dire que tu peux même pas t'arrêter pour envoyer un SMS, par exemple. T'as pas le droit de pisser, en fait, généralement. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai. Et alors, du coup, comment tu gères? Alors, du coup, en fait, depuis, je suis devenu sociable, donc du coup, j'ai dû me trouver du temps pour pouvoir jouer. Donc, c'est au détriment de mon sommeil. Ah ouais, non, mais c'est pas bon, ça, Doc. Hein. Il faut aménager, en fait. Hein. Non, c'est ça, oui, il faut savoir rester raisonnable. Du coup, j'ai trouvé un nombre d'heures de sommeil qui me convient plutôt bien. Combien? Et comme ça, combien? Entre 5 et 7. Et 5 à 7, d'accord. Et tu es en pleine forme la journée lorsque tu dors 5 heures? Écoute, pour travailler, ouais, ça va, j'ai la patate. D'accord, écoute, voilà, si t'as trouvé le bon équilibre, pourquoi pas. Ouais, tu verras quand t'auras une meuf vraiment, soit tu changeras de jeu. Tu dormiras peut-être encore un peu moins. Bah, écoute, pour vous dire, ma copine joue aux jeux vidéo aussi. Ah ouais? Ah d'accord, ouais. Bah, là t'as trouvé la solution au problème et c'est aussi ce que je veux dire à Florian. On en discutait dans un autre discours. Non mais enfin je veux dire, quand t'as la chance d'être avec quelqu'un qui partage la même passion que toi, enfin c'est top, c'est peut-être le mieux, non? En fait, ouais, mais pas tous les jours. Ok. Bah d'accord. Bah, merci. Je pense que c'est le début de la raison. Ouais, pas carrément. Tous les jours, c'est le début de la raison. Salut Charlie, amuse-toi bien sur League of Legends. Salut mon pote, gros bisous à tout le monde. Élise, Mathieu, Florian, bien sûr, on vous embrasse très fort. Dans un instant, on va avoir le défi Fallait pas demander. Ça va être du lourd là sur Fun Radio. Qui est là? Bonsoir. Salut. Allô, comment tu t'appelles? Bonsoir, c'est Claire. Salut Doc, salut Karen. Bonsoir Claire. Salut. Le défi Fallait pas demander avec toi, ma chérie. Alors tu vas appeler qui toi, Claire? Ma maman. Ta maman, qu'est-ce que tu vas lui demander? Comment réussir une bonne sodomie? Oh oui, j'adore ça. J'adore ça, restez bien avec nous dans un instant. Claire va tenter le défi impossible, le défi Fallait pas demander. Maman, comment on fait une bonne sodomie après Major Lazer? Voici Boom sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a pump. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Ooh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckers dead. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After to the club, I'll smash it. We'll come home, we pass it. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club, me introduce them to each other. Other, other, man a gal is, I'm in Santa forever. Major Lazer, boum sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Et on se marre tous les soirs grâce à vous avec le défi Fallait pas demander. Ce soir, notre championne s'appelle Claire. Elle est d'Annecy. Bonsoir Claire. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut Claire. Alors tu sais qu'il faut être très très fort quand même pour faire le défi Fallait pas demander. Il faut poser une question que normalement on n'oserait pas poser, hein, pour énerver la personne qu'on appelle et pour repartir avec des enceintes, justement là en ce moment, des enceintes Philips. Mm-hmm. Qui tu vas appeler toi, ma Claire? Ma maman. Ok, et qu'est-ce que tu vas demander à ta maman? Je vais lui demander comment on réussit une bonne sodomie. Classique. Ah, c'est chaud. C'est tellement dur de demander ça à sa mère. Là, t'as du courage, hein, Claire. Bravo, bravo, hein, je te félicite. Merci. Bon, alors si jamais t'as besoin d'un petit copain comme ça, qui, voilà, qui te, pas qui te force, mais qui a absolument envie de le faire, je serai dans les parages, d'accord? Pas de problème. Ok, Claire, on appelle maman, elle s'appelle comment? Christelle. Christelle, d'accord. Eh ben, c'est parti. Peut-être qu'on va découvrir des choses ce soir. Bonne chance, Claire. Merci. Allô? Oui, maman, c'est moi. Ah, bonjour, ma fille, ça va? Ça va. Dis-moi, maman, comment réussir une bonne sodomie? Comment? Qu'est-ce qui te prend? Bah, c'est une question. Non, mais t'es pas bien, non? Bah, ça va. Bah, ça va pas, non, franchement, tu m'appelles et tu me demandes ce genre de choses. Non, mais bah oui, crois... comment réussir une bonne sodomie? Non, mais franchement, là, t'as pété un plomb, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, rien, je te demande juste une question. Ah bah tu crois que c'est le genre de choses? Non mais franchement, tu me téléphones et tu me demandes ce genre de conneries? Non mais franchement, mais... Tu te renseignes autrement, mais c'est pas à moi qu'il faut appeler. Mais oui, mais parce que je voulais te demander, parce que tu vois, je suis avec mon plan cul et on voulait essayer en fait. Ton plan cul? Bah oui. Non mais là franchement ça va pas, Claire. Non mais t'as pété un plomb quoi? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Non mais ça va pas? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Bah c'est quoi mon problème? Non mais plan cul et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es mariée il y a un an puis tu me parles d'un truc comme ça, tu as plan cul. Non mais ça veut dire quoi? Tu l'as fatigué avec papa ou pas? Mais non mais franchement là tu dépasses les bornes là. Si c'est pour m'appeler puis me dire des conneries pareilles, franchement c'est même pas la peine de m'appeler. Mais, hein. Mais... Kevin. Et est-ce que papa est en cul? Hein? Mais non mais ma puce. Oh mais t'es malade ou quoi? Il est où Kevin? Non mais t'es pas bien là, franchement, non, je suis pas d'accord. Non mais ça va bien ou il est plutôt brutal? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Non, mais t'es complètement malade. Écoute, ma fille, je suis avec mon plan cul. Je voudrais savoir. Non, mais ça va pas. T'es complètement idiote ou quoi? C'est pas moi qui faut appeler des choses comme ça. Non, mais ma fille, je t'ai pas élevée comme ça. Mais c'est quoi ce bordel? Une question. Non, mais encore, tu me poses une question normale. Je suis tout à fait consciente, mais une question comme ça. Non, mais t'es pas bien, non? Bah, attends, elle attends. Elle est où, Kevin? Parce que là, franchement. Attends, je passe mon plan cul. Oui, allô? Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Allô? Oui? Bonjour, madame. Mais c'est quoi cette connerie? Mais oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez l'air en panique? Ah bah complètement, mais qui vous êtes d'abord? Bah je suis, je suis un ami, avec qui on fait... Comment un ami? Un ami de qui d'abord? Vous vous appelez comment? Comment ça se fait que ma fille est avec vous? Vous vous appelez comment? C'est quoi ce bordel? Enfin non, mari. Bah, je vous explique, en fait, on est dans une chambre d'hôtel avec Claire, voilà, moi je m'appelle Greg, non, et puis... Non, mais là, c'est complètement du délire, là. C'est quoi que ce cirque? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, mais dans une... Passez-moi ma fille dans une chambre d'hôtel, non, mais... Non, mais c'est quoi, ça? Je vous la passe. Calmez-vous, tout va bien? Ah oui, mais non, mais ça va pas, non? Je la passe. Bon, bah, moi, j'ai débandé. Ah bah, oh, j'espère bien. Ah, que ça vous l'a coupé, hein, puis bien comme il faut, hein. Non, mais c'est quoi ce bordel? Mais maman, fais pas ta timide, je suis sûre que t'es une grosse cochonne. Franchement, tu t'es mariée il y a un an, et puis là, j'entends qu'il y a un autre homme avec toi, mais c'est quoi ça? Ton Kevin, il est adorable, Christelle! Christelle! Christelle! Christelle! Tu te permets de m'appeler par mon prénom? Non, mais de quoi tu te permets, franchement, Christelle? Christelle, je connais ni d'un an ni d'un, ce mec, c'est quoi ça? Cri-cri! Oh, cri-cri! Il y en a qu'un qui a le droit de me dire cri-cri, c'est mon gendre! De me dire cri-cri, non mais ça veut dire quoi, Christelle, ça? Christelle, calmez-vous, vous êtes en direct sur Fun Radio, Christelle. Vous êtes en direct sur Fun Radio, c'était le défi, fallait pas demander, Christelle, que d'émotion. Wow. Voilà. Christelle, oui. Tout va bien, tout va bien, Christelle. Vous m'avez fait peur. Ah bah oui, non mais parce que votre gendre, il est tellement gentil, vous inquiétez pas. Claire, fais rassure ta maman tout de suite. Mais oui, tout va bien, t'inquiète pas, j'ai pas quitté Kevin, je suis pas dans une chambre d'hôtel avec un Greg, tout va bien. Oh, vous êtes un homme, franchement, ça va pas. Ah oui, là, j'ai besoin de me... Christelle, c'était pour un jeu à la radio pour gagner un cadeau, et je crois qu'on peut dire que c'est gagné pour Claire. Bravo, vous avez ces idées. Ah oui, c'est le défi, fallait pas demander, on pose une question qui est censée énerver la personne qu'on appelle, ça a plutôt bien fonctionné. Christelle, dans tous ces états, on a envie de vous faire plein de gros bisous. Ah ouais, Christelle. Ah oui. Et Claire ne va pas tromper Kevin. Ne vous inquiétez pas. Ah oui. Il est trop bien. Et bah oui, il est trop bien. Claire, t'as été fantastique. Bravo, bravo Claire. Claire qui s'est lâchée même. Hein. Ça va mieux, Christelle? Oui, ça va. Ça va mieux. Je reprends une émotion, c'est bon. Soufflez, calmez-vous. On va vous envoyer un petit cadeau à vous aussi. On vous fait des gros bisous à toutes les deux. C'est super gentil, merci. Salut. Beaucoup. Au revoir. Gros bisous, merci. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Dans un instant, on sera avec Gustavo, 24 ans, de Maubeuge. Salut Gustavo. Salut tout le monde, salut Karel, Doc et Alice. Salut. T'appelles pourquoi Gustavo? J'ai deux copines et j'ai des sentiments pour les deux filles. C'est ça. Ah, et tu veux qu'on choisisse à ta place? Non, mais je vais vous expliquer après les critères. D'accord, bien les critères. Ouais. Ah bah bien sûr, monsieur a des critères. Et puis le double fun aussi qui va tomber avec les deux tubes de Justin Bieber à la suite. Vous allez gagner vos places pour son concert. Hein. Ça va se passer à l'Accor Hotel Arena. Vous serez dans le carré or. C'est juste énorme, hein, le cadeau qu'on va vous offrir. Le double fun, ça va arriver. Les deux bombes de Justin Bieber. Et en attendant, on écoutera aussi Martin Garrix. Et ça, c'est énorme. Hein. In the name of love sur Fun Radio. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, un conseil, restez avec nous, c'est ici que ça se passe tous les soirs. Fun Radio Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Cette semaine, dans le Night Show, Marion Yanso vous envoie à Londres. Avec Vueling Airlines. Salut, c'est Marion Yanso. Cette semaine, on vous donne rendez-vous tous les soirs et grâce à Vueling Airlines, on vous offre vos billets d'avion direction Londres. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Londres, Marion? Eh bien, c'est simple, on fait du shopping, on mange des fish and chips, on boit une cup of tea avec la reine d'Angleterre, on fait la teuf dans des clubs et on voit le Big Ben. Mais c'est qui ce Big Ben? Tous les soirs. 22h minuit. Here we go. Marion Yanso, le Night Show. Sur Fun Radio. Une aventure née il y a 40 ans. Depuis, Primigi a fait marcher dans le monde entier des millions d'enfants de 0 à 14 ans.

Bah oui, mais c'est une auditrice qui te demande. En aigle, peut-être, avec ton nez. Non, oui, bien sûr. Mais non, l'animal a toujours été... voilà, on s'identifie à des animaux, bien évidemment. Ah, le oui. Lion, le lion, oui. Ah, le lion. Allez, ah, rien que ça, rien que ça. Le roi. Alors que moi, je serais un petit chat, tu vois. Au hasard, au hasard. Bah voilà, tu vois, tu sais répondre. Bah oui, bah, Doc, il a des bagues avec des lions dessus. Une en argent, une en or. Ah, c'est une bague en or. Oui. Dans c'est en or, c'est la lettre en argent. Vas-y, je vais, pas du plaqué, Je vais te couper un doigt, mon pote. Je te le dis direct. Est-ce que je te coupe aussi ouais. Tu veux me couper quoi? Vas-y. Vas-y. Hein bah, essaye de me couper le doigt, toi. Ok, d'accord, bah, je te couperai rien du tout. Tu me fais flipper, là. Gustavo, t'es là? Ouais, je suis là. T'entends ça, Gustavo, Doc, il veut me couper la teub? Ah, ça va être compliqué. C'est ton fantasme. T'appelles pourquoi, Gustavo? Ah, j'appelle parce que bah, j'ai deux copines. Ouais. Oui. Donc, il y en a une que j'ai depuis 4 ans, une autre, ça fait 2 ans. Mais parle dans le téléphone, Gustavo, on t'entend pas. 4 ans, 2 ans, d'accord, oui. Ouais. Et donc, en fait, il y en a une qui est très bien, mais avec qui je m'entends bien, on est complices, on peut parler de tout, on peut sortir, on va bien s'entendre, mais au niveau sexe, ça va pas du tout. D'accord. Et l'autre? Il y en a une, au contraire, on va pas s'entendre, mais par contre, niveau sexe, c'est parfait. Est-ce qu'elles sont au courant l'une et l'autre? Non. Jo est au courant. C'est normal. Hein. Comment tu gères au quotidien? Ouais. En fait, je vis chez moi et ma copine, je la vois de temps en temps. Et mon autre copine, je la vois chez elle de temps en temps aussi. Je comble Est-ce les qu'elle jours. Te pose la question cruciale de la fidélité? Ouais, bah bien sûr. Je suis un et, tu réponds quoi et tu réponds quoi? Ben moi, je suis très fidèle. Ah bah oui, bien sûr. Bah la preuve, tu l'as fait cocu tout le temps. Moi, j'ai la solution à ta question. Hein. C'est aucune des deux, mon pote. Bah, ouais, il faudrait que tu en trouves une qui a les deux. Il me faudrait les deux, en fait. Bah ouais, non, mais de toute façon, Gustavo, t'es pas clair. C'est-à-dire que tu trompes ta meuf, donc tu les rends toutes les deux malheureuses quelque part. Non, mais dans ce cas-là, je vais les rendre toutes malheureuses. Oui, si bah, elles le sont déjà sans le savoir. Celle avec laquelle non, elles sont heureuses. Celle avec qui ça se passe dès que pas je bien. Je veux les quitter, en fait, elles me font mal au cœur, elles pleurent. Okay. Bien sûr, c'est ça, on va pleurer sur ton sort. Dis-moi, celle avec laquelle ça ne se passe pas bien au lit, est-ce que c'est celle que tu aimes vraiment? Bah. Moi, à chaque fois que je la vois pleurer, ça me fait mal au cœur. Non, mais attends, arrête tes conneries, là. Oh là tu vois c'est pas... de la pitié, et, ça et se t'as, fait t'as, pas. T'as, on n'est pas tes meufs, on ne nous parle pas comme ça. Hein. T'arrêtes un peu, là. Non, mais... On n'aime pas quelqu'un par pitié. Est-ce que celle que tu aimes vraiment, pour laquelle tu... Mais je crois que tu n'en aimes aucune des mais deux. Mais non, en fait. Je te dis, Doc. Bah non, sinon... En fait, mon amour, il est brisé depuis ma première copine. Donc voilà, ça s'y arrive. Et on se venge. J'ai eu un cœur brisé, du coup, je les rends malheureux. Je vais en casser deux. C'est pas une bonne attitude, ça, Gustavo. Tu veux pas qu'on les appelle, là, pour leur dire? C'est Ouais. Non. On leur a déjà dit. Bah, elles vont pleurer. On les a appelés. Ah, arrête mais c'est de jouer. Toi qui mérites de pleurer, là, sérieux. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Il dit ça, mais il a juste peur d'être tout seul. Tu t'es jamais gouré dans les prénoms, non? Pardon? Tu t'es jamais gouré dans les prénoms? Non. C'est non, qui non. qui rigole derrière? Je suis très organisé. C'est qui rigole derrière? Enfin, c'est quoi? C'est qui rigole derrière? Non, j'ai coupé la télé. Non, non, c'est ton pote qui rigole derrière. Ouais. Hein, il s'appelle comment ton pote? De Novan. D'accord. Il y a un rire de meuf. Ouais. Oh Alice, comment tu l'as tué? Hey. C'est qui la fille qui est derrière toi? Non, c'est pas lui. Il n'y a pas de fille par contre. Non, c'est un pote à lui. Et Gustavo, je comprends, tu te la pètes un peu et tout à la radio là, machin. Mais on va pas choisir à mais ta attends, place. Attends, hey, c'est clair, t'es un grand garçon, faut savoir ce que tu veux dans la vie. Hein. C'est ça, en tout cas. Juste dernière question, attends. C'est parce que qui dit, ils ne prennent pas au sérieux. Oui, voilà, vous le prenez. Non, mais attends. Sérieux, je voudrais juste te dire. Si. Attends, tu rigoles. Non seulement on te prend au sérieux, mais on pense profondément que tu n'es pas en pleine détresse et que c'est à toi de prendre la décision. Moi, je te pose. Il vit mal, il n'est pas bien. Il vit mal, ça. Ouais, bien après, sûr. Mais alors, j'ai la solution. Il a qu'à en prendre une troisième, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, bah écoute, choisis mal. Celle de 4 ans, on a fait un choix, et puis voilà. Hein, bah ouais, c'est ça. Mais bon, on les connaît grand, pas, on sait pas. Grand, bah ouais. Je pense que le jour où tu vas trouver que c'est trop compliqué, trop pénible à gérer, bah, tu vas en quitter une des deux. Parce que le côté. Ali, ça serait la femme parfaite pour toi, non? Bien sûr. De ce que j'ai entendu, pas du tout. Ferais tellement le mal. On l'entend beaucoup, Donovan, hein, maintenant. Moi, je me demande, vous êtes sûr que tu es avec une fille, deux filles, non? Mais oui, c'est pas le problème. Minimum 2, oui, c'est ça. Oui. Bon, hey, Gustavo, nous, on t'a dit ce qu'on en pensait. Hein. Je pense qu'il faut que t'en rencontres une autre, c'est tout. Tape-toi Donovan. J'ai essayé d'en rencontrer d'autres. T'as essayé avec ton pote Donovan, là, de voir si ça rentrait et tout Non, j'ai essayé, mais avec une autre fille, mais ça, c'est à part, c'est autre chose. D'accord, Gustavo. Bah écoute, si tu veux pas qu'on les appelle, on va pas pouvoir aller plus loin, hein, mon pote. Hein. Parce que c'est vrai que nous, on aime bien justement quand on leur parle directement, quoi. Tu vois. Moi, je suis étonné. Il n'y en a pas une qui a fouillé dans ton téléphone ? Non, on touche pas mon téléphone. Ah ouais. Ah bah ça, le mec est louche. Mais de toute façon, c'est ça. À partir du moment où il y a votre mec qui dit non, tu touches pas mon tel, et il y a un code, c'est que ça pue, hein, ouais, quelque part. Ah mais non, il y a un empreinte digitale. Ah ouais, ouais. Ou l'empreinte digitale. Mieux, ouais. C'est encore mieux. Donc si on te coupe le doigt, on peut rentrer à l'intérieur. Empreinte digitale, et code possible. Tu peux utiliser un code aussi même. Hein, t'as les deux possibles. Ouais, du coup, si on n'a pas l'empreinte, tu peux utiliser un code. Mais voilà, je dis qu'au téléphone, au travail, on pique mon téléphone, bon, je suis obligé de mettre un code. C'est ça, ouais. En attendant, les mecs, on va vous envoyer des capotes. Je pense que vous en avez bien besoin, là. Hein, hein les gars, ouais. Gustavo, ouais. Et Donavan, on vous souhaite une bonne soirée. Merci, les gars. Et on va, dans un instant, parler du chiffre d'Alice. Il va y avoir aussi le double fun. Je vais tous vous expliquer dans un instant. D'abord, le chiffre. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Alice? Eh ben, écoute, on va parler mytho. Et on va parler surtout des gros mensonges qu'on a déjà racontés à nos parents. Allez-y, hein, lâchez-vous. Tout le monde a menti à ses darons. Voilà, on veut tout savoir ce soir. On se dit tout dans cette émission 01 42 48 5000 et le 32 28 pour le double fun. Ça commence là maintenant. DJ Snake, Justin Bieber avec Let Me Love You. Et vous repartez avec vos places pour le concert de Justin Bieber à l'Accor Hotel Arena. Ça va se passer le 20 septembre. On vous paye la totale. À vous de jouer. 32 28. C'est le double fun. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. De Justin Bieber. Appelez Fun Radio 3228 et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. C'est le double fun sur Fun Radio. What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? C'est le double fun, je crois. Hey Justin! Vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber à l'Accor Hotel Arena à Paris. Vous serez tellement proche de lui, quoi. T'es dans le carré or. C'est ça les invitations qu'on file, quoi. Et c'est ouais, genre, limite, tu prends ton téléphone. Tu peux toucher selfie. Le mec, quoi. Ouais. Un selfie avec lui. Grave! Ah oui, mais toi, au concert de Justin, tu lui toucherais quoi, Doc? Non, rien du tout. Ce n'est pas mon genre. En tout cas, c'est le double fun qui tombe à tout moment sur Fun Radio. Voilà, et il est tombé dans Love in Fun ce soir. Le numéro de téléphone, c'est le 3228. Et nous alors, on a quelqu'un? Oui, on a Inès. Inès qui est avec nous. Qu'est-ce qui se passe, Inès? Pourquoi t'appelles? Inès, bonjour, je m'appelle Inès. Bonjour Inès, t'as quel âge? Ah, j'ai 17 ans. T'as 17 ans et tu nous appelles d'où, Inès? De Lyon. De Lyon, je vous appelle de Lyon. Allô? Oui. Allô? On entend mal. Allô? Oui, je vous attends. Je crois que ça a coupé. Ouais, elle a raccroché, je crois. Je crois que ça a coupé. Merde. Ah, fait chier. On avait Inès. C'est vraiment embêtant. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Et là, c'est. Non, on a un deuxième gagnant normalement. On l'entend plus. Ouais, on a bien sûr quelqu'un d'autre au cas où. Fini de la torturer là. Guillaume au standard. Est-ce que tu peux me passer Romuald qui est avec nous? Inès. Oui. Non, on l'entend pas. Non, c'est non. Dommage. Hein. Aïe. Inès, ne pleure pas, Inès. On t'entend, Inès. Tout va bien. On t'a récupéré, Inès. Inès, 17 ans de Lyon, c'est gagné, bravo! Bravo Inès! Elle fait pleurer la pauvre chérie. La pauvre! Bah, c'est-à-dire que je voulais faire le petit jeu, mais là, t'es vraiment tombé dedans, donc du coup, j'ai arrêté. C'est vraiment parce que j'avais pas de sens. Inès, je sais que t'es fan de Justin Bieber et que c'est un mec important dans ta vie. Bah oui, bah ça s'entend. Et bah tu seras dans le carré or de l'Accor Hotel Arena. Tu seras voilà parmi tous les spectateurs qui pourront voir ce concert exceptionnel de Justin Bieber le 20 septembre à l'Accor Hotel Arena. Ouais, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Oh, c'est une vraie fan. Elle est trop mignonne. J'ai envie de lui faire un câlin. On va te. Ah mais oui, mais merci. Vous êtes trop géniaux. Mais de rien, Inès. On te fait des gros bisous, Inès. Ah mais merci beaucoup. Je vous aime. Franchement, je vous écoute tout le temps et là, je m'imaginais vraiment pas. Là, c'est vraiment une erreur. Eh ben là, c'est grâce. C'est grâce à toi qu'on est là tous les soirs, Inès. C'est toi qui nous écoutes et on te remercie de cette façon-là. Gros bisous, Inès. Merci, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Gros bisous. Salut. Le chiffre d'Alice. Le chiffre d'Alice. Dans Loving Fun sur Fun Radio. T'allais me mettre à chialer moi aussi. Ouais grave, elle est trop chou. On déconne quoi. Le chiffre d'Alice ce soir, Alice, on parle de quoi? Eh ben écoute, 87% des gens avouent avoir déjà raconté un mensonge de ouf à leurs parents. Ah ouais, carrément. Mais un mensonge de dingo quoi. Ah ouais, vraiment un mensonge, un bon gros mensonge. Ah, genre quoi comme mensonge? Je sais pas, toi t'as raconté quoi comme gros mensonge à tes parents? Mais on racontait tous les jours, ça va être compliqué. Bah ouais. Le plus gros. C'est bon. Non. Ou le plus con. Non mais une fois j'ai eu un accident de scooter parce que j'étais un peu pompette hein, et j'avais raconté que je m'étais fait renverser par une automobile. Et c'était pas le cas? C'était pas le cas. Ah bah voilà. Et j'avais tellement peur de me faire engueuler parce que j'avais un peu picolé que j'avais raconté ça, mais sauf que le lendemain j'avais rencard chez les flics parce qu'ils avaient récupéré le scooter et ils me disaient vous êtes pas du tout fait renverser, vous êtes tombé tout seul. Pas du tout. Bah du coup à la fin mon père m'a mis une petite claque quoi, je pense. En plus t'as craqué. Ah bah à la fin ouais. Quand t'as des flics devant toi, faut pas craquer sous la pression. Ah, j'avais 14 ans. Bah, ça jusqu'au va. Bout quand on mitonne. Ah bah oui mais bon. Nassim est avec. T'as dit aux flics et t'avais mis un peu. Non. non parce qu'il y a toujours un mensonge encore hein, derrière. Hein. Nassim, salut à toi. Ça va bien salut, mon pote. Ça va bien. T'as 14 ans. T'es à Salon de Provence, Nassim. Exactement. Tu mens souvent à tes parents, toi. Hein. Espèce de menteur. Vas-y, raconte ton plus gros mytho là. Alors le plus gros mytho, c'est qu'en fait, moi vu que je suis un mec fort, j'ai fait du foot chez moi. Et du coup, j'ai fait ça avec mon pote. J'ai shooté dans un vase et j'ai dit à ma daronne que c'était mon pote, bien évidemment. Ah oui. Classique. Du coup, tu te fais pas engueuler et ton pote, il a pris cher ou pas alors? Comment ça s'est passé? Ma daronne n'avait rien à lui dire, bien évidemment. D'accord, ok. Pas mal. Utiliser l'excuse du pote. C'est un petit mensonge. Alice, elle a tellement fait pire. Oh, mais Alice, elle ne les racontera pas. Ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'à ne pas. Mais non, parce que ça reste un mensonge. Pourquoi même maintenant. Doc, pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi le mensonge? La culpabilité. Ça vient d'où le mensonge, Doc? La culpabilité. Mais des fois, on n'a pas le choix. La crainte d'être réprimé, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que finalement, il vaut mieux avouer la vérité et ne pas être réprimé à chaque fois. Enfin, ouais, non, mais si on raconte la vérité, on se fait défoncer, Doc. Responsable, mais pas coupable. Et c'est ça. Et en fait, on se sent coupable. Coupable parce qu'on sait qu'on va être brimé ou voilà, on va recevoir une punition. C'est mal de mentir. Ça dépend pourquoi. Ah, t'as déjà menti toi dans ta vie, Doc, comme tout le monde. Dis pas oui. Je suis en retard, je suis en train de bosser. Dis pas non. Je te crois pas. T'as pas menti dans ta vie. Si, je peux mentir. Voilà, merci. Sûr, quand même. Attends, tout le monde ment. Hein. Oui. Sans déconner. Solène, t'as 23 ans, t'es de Brie-Comte-Robert. Oula. 77. Bonsoir, Karen. Brie-Comte-Robert. Bonsoir. Bienvenue. 94. Solène, tout à fait. Doc, une info géographique à tout moment. Vous voulez un numéro? Non, c'est dans le 77. Eh ben voilà. J'avais commencé par. Niveau italisation. Non, mais j'avais. Et voilà. J'avais pas écouté, j'avais commencé par 77 et ouais. Je vais un petit. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il veut jamais avoir 20 heures. Hein. Putain. Solène. Oui. Où que tu sois, on est content que tu sois là. C'est ça qui est important. Ah, c'est gentil. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous. Petite menteuse, raconte-nous ton plus gros mensonge. Alors, j'ai été une menteuse quelques fois quand il fallait. En fait, j'ai emprunté la voiture de ma mère. Au tout début, j'avais le permis, mais j'avais pas le droit de la prendre, en fait. Et j'ai prise en pleine nuit. J'ai été voir une amie. Et en fait, en reculant, j'ai pas vu le mur. Et du coup, j'ai dit à ma mère, en fait, que quelqu'un lui avait foncé dedans en pleine nuit. Et que je l'avais vu. Ouais, je l'avais vu. Et que le pire, c'est que je l'avais interpellé et qu'il était parti, en fait. Ok. Et ils t'ont cru? C'est passé tout seul? Ah, tout seul. Comme une lettre à la poste. Bon, d'accord. Et alors, comment ça s'est passé du coup derrière? L'assurance? Eh ben, rien du tout. Non, mais rien du tout parce qu'en fait, c'était surtout de la carrosserie. L'assurance a fonctionné? Non. Ah oui. Non, elle a même pas fait fonctionner l'assurance. Ah, ok. Donc, t'étais bien dans la merde encore une fois, ma chérie. Ouais, un petit peu. Ouais. On ment pour se protéger quelque part. Est-ce que depuis, tu as dit ton mensonge? Oui, je vais avouer il y a quelques mois. On peut le faire quelques années plus tard. Prescription, ouais. Voilà, il y a prescription. Ça les a fait rire? Ouais, ça l'a bien fait rire quand même. Ah bon. Ça va qu'elle a changé de voiture entre temps en fait. D'accord. Cindy, notre auditrice du soir, toi, je suis sûr que t'as menti, Cindy. Ouais, de ouf. Ah, tout le temps, tu mens tout le temps. Est-ce que tu nous as déjà menti depuis Love in Fun, depuis 20h? Non, du tout. D'accord. Pas du tout. Bravo, Cindy. Alors, c'est quoi ton plus gros mensonge que t'as fait? Bah, en fait, c'était malgré moi. J'avais 17 ans. Et j'ai dit à mon père que mon mec de l'époque avait une tumeur et qu'il subissait un traitement. Et que ce traitement en question, il provoquait des apnées du sommeil et qu'il avait besoin de surveillance. Ouais. Mais en fin de compte, moi j'y croyais. Il m'avait dit ça et moi j'y croyais. Donc j'ai dit ça à mon père. Donc, ah ouais. Donc en fait, tu croyais et t'as mis tout malgré toi, quoi. Voilà. C'est chaud, ça. Donc c'était pour pouvoir aller vivre avec mon mec de l'époque, j'avais 17 ans. Mais il est fou de t'avoir raconté ça. Mais carrément. Ouais, l'enculé. L'enculé. Ah ouais, pourquoi tu lui en veux, mec? Mais moi, j'ai pleuré la nuit, j'avais peur qu'il meure et tout. Bah oui, tu m'étonnes, c'est horrible. Et vous aviez des relations sexuelles à ce moment-là? Le malade. Bah oui, ça faisait déjà 3 ans. Ah oui, donc là, il n'avait pas d'apnée, là. Ah non. Non. Et on t'est tombé sur des sacrés petits lots, toi. Hein. Oh, hein, bah oui. Là, t'as besoin d'amour, Cindy, maintenant. Bah ouais, j'ai mes fils maintenant au pire. Ah bah c'est vrai que c'est déjà pas mal. On va accueillir Mika dans un instant. Je remercie tout le monde, Nassim, Solène et bien sûr Cindy, notre auditrice du soir qui continue d'être avec nous. T'es là, Mika? Salut Mika. Mika. Ouais, salut. Bonsoir Mika. T'as 30 ans, t'es à Metz, Mika. Ouais, je vous téléphone parce que ma femme est précoce en fait. Ta femme est précoce? Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Genre, elle jouit plus vite que la lumière. Ah, c'est exactement ça. En tout cas que lui. T'as la répétition. Mais ça, c'est répétition. Ça veut dire que c'est à voir. Mais je viens de penser à un truc. Un éjaculateur précoce peut être épanoui avec une femme qui est précoce aussi. Oui, si on veut. Ah, pourquoi pas. On va en parler avec Doc, bien sûr, hein, qui connaît toutes les précocités du monde. En attendant, voici The Chainsmokers. On va s'écouter Closer. Tu restes avec nous, Mika. Hein, y a pas de problème. On parlera aussi du permis d'Alice dans un instant sur Fun Radio. C'est la Vin Fun. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop, no. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. You stole from your roommate back in Boulder. We ce que c'est bon, ça veut Chainsmokers avec Closer sur Fun Radio. Avec la sécurité routière, suivez les aventures d'Alice qui passe son permis dans Love in Fun sur Fun Radio. Ah, c'est un des moments que je préfère, que je ne raterai sous aucun prétexte, puisque nous faisons le point du permis d'Alice. Je rappelle que Alice passe son permis. Ça a commencé il y a quelques mois là maintenant, après une magnifique obtention de code. Elle est en ce moment au niveau de la conduite. Exactement. On en est où, Alice, de ton permis? Il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question. Eh bien écoute, ça avance doucement mais sûrement. Je commence de plus en plus à être à l'aise en conduite supervisée, donc ça va. La conduite supervisée, c'est quand tu conduis en fait avec quelqu'un de ta famille. Hein. Exactement, de la famille ou autre. Mais là, en l'occurrence, moi, je le fais avec mes parents. Donc, une fois que j'ai fait mes heures de conduite, les 20, et ben voilà, je passe en conduite supervisée avant le permis. En tout cas, on attend ce permis de conduire, mais comme jamais. Hein. Et d'ailleurs, on vous offre 1000 euros. Alors, attention, parce que le quiz, ça sera demain sur le site de funfunradio.fr. Vous allez pouvoir gagner 1000 euros. Ça, c'est énorme. C'est pour payer une partie de votre permis de conduire. Funradio.fr, dès demain, un nouveau quiz. Et le thème sera le téléphone au volant. Alors c'est vrai qu'avec Pokémon Go, t'as vu plein de personnes c'est qu'utilisaient leur téléphone au volant pour attraper un ratata. En plus, ça vaut pas la peine. Hein, ça vaut pas la peine. Tu peux mourir. Hein, Et puis, tu peux aussi avoir une amende de 135 euros, un retrait de 3 points, parce que depuis cette année, les écouteurs, les oreillettes, les casques, on peut même plus les utiliser sur la route, on peut même plus utiliser son téléphone comme GPS. Donc, faut faire vraiment super attention à ça. Ces petites infos qu'Alice vient de vous donner, ça va vous permettre justement de pouvoir bien répondre au quiz. Des indices. Dès demain sur Fun Radio, 1000 euros cash à gagner avec la sécurité routière, les bons gestes dès le départ. 01 42 48 5000, il nous rejoint, c'est Mika, il a 30 ans de Metz. Bonsoir Mika. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mika, qu'est-ce qu'on va faire là dans un instant avec toi? Alors, on va parler de quoi? On va parler parce que ma femme est précoce et elle peut avoir une dizaine d'orgasmes d'affilée. Une dizaine d'orgasmes d'affilée. Je vais te donner. Oui, d'accord. On va voir ça. Ça étonne le doc, en tout cas. Un petit peu beaucoup. Ouais. On va en parler dans un instant. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes dans ce cas-là, hein, les filles, voilà, vous pouvez avoir plein d'orgasmes d'affilée. On en parlera dans un instant. Ouais, Cachemire pour le son. Ça, c'est le son de la teuf. On revient dans deux minutes à peine là sur Fun Radio. Cachemire et Wildcard, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno sur Fun Radio. J'ai une facture sous les yeux. Donc il s'agit en fait de billets d'avion. D'accord, pour Ibiza, tiens, elle est quand? Début août. Qu'est-ce que t'as fait de kiffant à Ibiza? Quel DJ t'as vu? David Guetta. Énorme. Galantis et puis Kung. Donc tu t'es fait plaisir. 595,80€, Emilien. Eh bien c'est cadeau, c'est pour moi, c'est payé. Waouh, super en tout cas. Merci Bruno. Merci Fun. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Ready? Fun Radio et InterBDE présentent le Festival Electro Grenoble. Vendredi 7 octobre à Alp Expo, soyez prêts. Fun Radio. Débarquez dans la plus grosse soirée étudiante de France. 15 000 étudiants sur le meilleur du son dance floor. 7 heures de mix électro non-stop. Fêtez votre intégration 2016 avec les plus grands DJ internationaux. Vinay, Firebeat, Blaster Jax et plein d'autres artistes à venir. Le festival Electro Grenoble, vendredi 7 octobre à Alp Expo. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Infos et réservations sur funradio.fr et sur interbde.com. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Fun Radio présente le jeu le plus attendu sur PlayStation 4, No Man's Sky. Embarquez pour un voyage épique vers le centre d'un univers sans limite. Soyez les premiers à atterrir sur des planètes inconnues, uniques et pleines de vie. Saurez-vous survivre dans des environnements hostiles dans lesquels des civilisations extraterrestres et des bandits veulent y faire régner leur loi? No Man's Sky est maintenant disponible sur PlayStation 4. L'univers est votre seule limite avec Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Mi amor, por favor, mi amor, por favor. pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. Jamais que tu reviennes, tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau. Quand t'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, que ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Le plus beau des chats. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. Je me tente enlacer. Tu me dis que ce n'est pas assez. Je marche derrière elle. Son doux parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre là. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Et mi amor, por favor. Et mi amor, por favor. Et mi amor, por favor. Et mi amor. On est là bien sûr comme tous les soirs jusqu'à 22h. Profitez, hein, n'hésitez pas à nous appeler là, au standard 01 42 48 5000. On va tout de suite accueillir Mika. Alors attention parce que Mika c'est du lourd, je vous le dis tout de suite. Il a 30 ans, il est de Metz. Bonsoir Mika. Salut Mika. Salut. Bonsoir tout le monde. Salut Mika, raconte-nous pourquoi tu nous appelles ce soir. Alors je vous appelle parce que ma femme est précoce. Oui. Et en fait, je dis quand elle est préliminaire, rien qu'approcher pendant la caresse au niveau du vagin, et au bout de quelques secondes, direct, elle a un orgasme. Elle jouit. Et après, du coup, elle me retire la main vraiment avant que ce soit vraiment au top, parce que pour pas crier avec les gosses qui sont à côté. Ah. Et au bout de, j'attends quelques secondes. Elle crie fort. On va dire. Oui. Et à ce moment-là, ça fait pareil. Et comme ça, on peut aller jusqu'à une dizaine de fois. J'ai été, après je me suis arrêté. Et j'ai pas tout compris parce que est-ce que là tu as un rapport sexuel avec elle? Oui, actuellement non. Mais tu n'y pénètres pas. Bah, il peut pas. Tu peux la pénétrer. Non. Pourquoi tu ne la pénètres pas? C'est préliminaire, c'est avant. Non mais après je la pénètre après ça. Alors comment ça se passe quand tu la pénètres? Ah oui. Ça se passe normalement. Ah, c'est-à-dire quand je la pénètre, elle a du plaisir normal, mais par contre, je ne peux pas lui toucher le clitoris. Tonight. Très bien, déjà tu as une partie de la solution, parce que peut-être 10 orgasmes de suite, en tout cas beaucoup de plaisir. Il n'y a pas un moment où elle a un orgasme vraiment, où elle est complètement satisfaite, elle ne peut plus redémarrer, comme on dit? Non, je ne pense pas. Oui, d'accord. Ça, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'elle a un plaisir intense ou un véritable orgasme? En fait, l'orgasme chez les filles, même si elle peut s'y remettre souvent, elle a un peu, comme le garçon, une période réfractaire pendant laquelle elle n'a plus de plaisir. Il faut se reposer, quoi. C'est la réalité. Oh, bah oui. Alors après, pas des machines. Il peut avoir effectivement des plaisirs intenses, qui ne sont pas forcément un orgasme, mais qui peut effectivement déclencher ça. Alors, la solution que tu as, puisque tu ne vas pas lui toucher le clitoris dans un premier temps, tu la pénètres et peut-être qu'à ce moment-là, le plaisir viendra plus naturellement et plus lentement. D'accord? D'accord. Tout simplement, ne touche pas le clitoris. Don't touch the clitoris. Il faut rappeler effectivement que le clitoris, c'est une zone sensible. Non, c'est les zones érogènes primaires, par sa simple stimulation, peut déclencher un orgasme. Bien sûr. Ou beaucoup de plaisir, en tout cas. En tout cas, elle a le, il y a les choses comme ça, et clitoris hypersensible. Oui, bah oui, et c'est peut-être aussi le cas, Mika, de Cindy, notre auditrice du soir. Cindy. Salut, oui. Cindy. Comme dit le doc, est-ce que tu as le clitoris? Ah oui. Ça m'avait dû faire guitariste. Ah oui, bien sûr, le clitoris sensible, Cindy. Oui. Ah oui, toi aussi, tu peux jouir au bout de quelques secondes, comme ça? Oui. Ah, peut-être pas quelques secondes, mais trentaine de secondes. Et comme a dit Doc, en fait, pour une pénétration, il vaut mieux pas qu'il touche ton clitoris. Bah, en fait, moi, je peux avoir des organes clitoridiens ou vaginaux. Oui, mais parce que dans le rapport vaginal, il y a aussi une stimulation du clitoris. Le clitoris joue de toute façon un rôle dans le déclenchement d'orgasme, quel que soit, parce que la vieille distinction vaginale clitoridienne, une distinction complètement archaïque et qui ne correspond pas à la réalité. Moi, je me sens plutôt clitoridienne, Doc, ce soir. T'es toute petite, alors. Ah, mais toute petite clitoris, tout petit. Bah, merci, Cindy, pour ces détails. On en sait beaucoup plus sur toi. Hein. Mika, t'arrêtes pas de faire jouer ta femme. Bravo. J'ai envie de te féliciter. Hein. Bravo, Mika. Bravo. Salut, Mika. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Est-ce que je peux avoir un pack fun? Bien sûr. On va t'envoyer le pack Love in Fun avec tout ce qui va avec. On a bien sûr les préservatifs, les agendas. Ah non, il n'y a plus d'agenda. On me dit qu'il n'y a plus d'agenda. On a tout donné. Voici Cashmere Wildcard sur Fun Radio tous les soirs. Love in Fun. Dans un instant, le retour de Cindy et vous tous en direct sur Fun Radio. À tout de suite. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a step. Cashmere Wildcard sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radado. Love in Fun depuis 20h. Elle est avec nous, Cindy, 24 ans de l'an. Bonsoir, Cindy. Toujours là, bien sûr, ma chérie. Hey. Toujours. T'as été super ce soir. On a appris que tu étais à la fois clitoridienne et vaginale. On a appris plein de choses. Est-ce que tu veux passer un petit message en toute la France? C'est le moment. Vas-y, ma chérie. Bah déjà, je vais faire un petit coucou à ma meilleure amie Angélique et puis bah mon petit coup de cœur du moment. Ah, c'est le petit mec que t'aimes bien, là. Hein. Voilà, mon petit coup de cœur. Puis je dis à tout le monde, gardez la forme. Ouais, merci. Keep the pêche. Hein? The pitch. The pitch, pardon. Non, j'ai traduit pour les anglophones qui sont à l'écoute ce soir.